Vous croirez peut-être, monseigneur, qu'il aurait fallu vous dire quelque chose de plus de vos Français et de Charlemagne, qui a fondé le Nouvel Empire. Mais, outre que son histoire fait partie de celle de France que vous écrivez vous-même et que vous avez déjà si fort avancée, je me réserve à vous faire un second discours où j'aurai une raison nécessaire de vous parler de la France et de ce grand conquérant qui, étant égal en valeur à ce que l'Antiquité a le plus vanté, les surpasse en piété, en sagesse et en justice. Ce même discours vous découvrira les causes des prodigieux succès de Mahomet et de ses successeurs. Cet empire, qui a commencé 200 ans avant Charlemagne, pouvait trouver sa place dans ce discours, mais j'ai cru qu'il valait mieux vous faire voir ses commencements et sa décadence. Ainsi, je n'ai plus rien à vous dire sur la première partie de l'histoire universelle. Vous en découvrez tous les secrets, et il ne tiendra plus qu'à vous d'y remarquer toute la suite de la religion et celle des grands empires jusqu'à Charlemagne. Pendant que vous les verrez tomber, presque tous de même, et que vous verrez la religion se soutenir par sa propre force, vous connaîtrez aisément quelle est la solide grandeur et où un homme sensé doit mettre son espérance.